Bonsoir à toutes et à tous, bon début de soirée sur Fadjet, j'espère que vous passez de bonnes vacances si vous avez la chance d'y être. On vient vous accompagner jusqu'à 19h30 pour votre émission Archiphonique. Archiphonique, c'est la seule émission culturelle consacrée à toutes les questions portant sur l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Camille n'est pas là ce soir, il profite de ses vacances. Je présente, hein, il est en plein rush pour son boulot, mais on peut d'ores et déjà compter sur lui pour son retour dès la semaine prochaine. Quant au programme aujourd'hui, nous recevons un invité dans notre studio, enfin, un invité, devrais-je plutôt dire, un habitué, puisqu'il s'agit de Nicolas Depoteau, architecte à Nancy, qui viendra nous présenter, comme chaque mois, sa chronique Rendez-vous avec A, qui portera ce mois-ci sur un lieu bien connu de tous les architectes, mais aussi de très nombreux habitants de Nancy, puisqu'il s'agit, vous l'aurez peut-être compris, de l'école d'architecture de Nancy, construite par l'architecte suisse Livio Vacchini dans les années 90. L'occasion de découvrir ou redécouvrir un bâtiment qui, pour la plupart, est perçu souvent comme un bloc de béton très fermé, mais qui recèle en fait de moult espaces de très grande qualité. N'oubliez pas que Archiphonique a sa page Facebook et le lien est facile à retenir, www.facebook.com/archiphonique, R-C-H-I-P-H-O-N-I-K. Archiphonique, c'est la seule émission à vous parler de tout ce qui nous entoure, et c'est tout de suite sur Fadjet. Nicolas Depoteau, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour cette nouvelle chronique de Rendez-vous avec A, on part direction la rue Bastien-Lepage pour aller découvrir l'école d'architecture de Nancy. Voilà. Alors, l'école d'architecture de Nancy, qui est souvent perçue, il faut le dire, depuis l'extérieur par les habitants comme un bâtiment assez austère. Oui, un bunker, il paraît. Moi, j'intitule cette chronique, je sous-titre la chronique, un savant bunker. Un savant bunker. Alors, pourquoi savant ? Parce que ce bâtiment est fait par un architecte qui est très, très versé sur la mesure, la proportion, l'échelle, et qui fait de l'architecture très savante. Alors on reviendra sur cet architecte plus tard, on peut peut-être vite fait dire son nom, Livio Vacchini, il était suisse. Oui. Hein, malheureusement, il nous a quittés. Alors, parlons du bâtiment, une fonction, l'école d'architecture. Oui, alors c'est d'ailleurs, il y a eu après 68 la création des écoles d'architecture indépendantes des Beaux-Arts, donc il y a eu des nouvelles écoles qui ont été faites un peu partout en France, et puis l'école d'architecture est la première d'une espèce de renouvellement de tous ces bâtiments. On voit maintenant, il y a eu plusieurs écoles récentes, ou en tout cas faites ces 20 dernières années, et on voit des partis pris assez différents par rapport à ce programme école d'architecture. Alors le programme de l'école d'architecture de Nancy, en tout cas, ça se rapprocherait plutôt d'un bâtiment cloître. Voilà, un bâtiment qui est refermé sur lui-même, à l'opposé par exemple de l'école d'architecture de Strasbourg qui a été inaugurée l'année dernière, et qui est tout le contraire, c'est-à-dire une machine à regarder la ville, qui est délibérément ouverte sur la ville. Là, Vacchini a voulu faire un bâtiment délibérément centré sur lui-même. Alors que finalement, c'est une chance, l'école d'architecture de Nancy est vraiment bien située par rapport au centre-ville. Ah oui, alors au point de vue urbain, c'est assez idéal. Hein, même si Strasbourg aussi. Ah, c'est presque... On pourrait dire presque encore mieux, parce qu'on est à côté de la gare, mais presque trop près. C'est-à-dire que quand on va à l'école, beaucoup de gens, les gens qui, à Nancy, viennent juste à l'école, traversent quand même la ville. Oui. À Strasbourg, on traverse la rue. C'est quand même deux choses très différentes. Alors, qu'est-ce qui pourrait caractériser les grands traits de l'école d'architecture de Nancy ? Ces dimensions, en fait. Cette école, c'est vraiment un manifeste d'architecture. C'est une véritable démonstration d'une écriture architecturale ou d'un parti pris. J'ai lu ça là dans un petit bouquin dont on parlera tout à l'heure. C'est un cours d'architecture en trois dimensions. Vraiment, quand on est dans un véritable cours d'architecture qui porte sur le matériau avec le béton, la structure et la mesure. Alors le matériau, pourquoi avoir choisi le béton ? Alors c'est le matériau de Vacchini. Bon, au début de sa carrière, il n'a pas construit uniquement en béton, mais il est devenu un architecte du béton qu'il apprécie pour sa massivité, sa pérennité, sa massivité. Il tient sur des bâtiments comme ça publics à faire des véritables monuments. Donc il y a cette dimension-là. Et puis à Nancy, il y a toute une science du béton qui a été un peu difficile à importer de la Suisse de Wacquini, mais qui a été quand même été mise en œuvre à Nancy grâce à la préfabrication. La préfabrication avec une structure qui n'est pas cantonnée à son rôle porteur. Oui, une structure très expressive. Quand on est dans le bâtiment, on lit, on peut pas faire autrement que de voir les poutres et les poteaux. L'école est faite de poutres et de poteaux, donc tout ça est très lisible. Un peu surdimensionné par rapport à, on aurait pu économiser, si on peut dire, de la matière, sûrement, mais il y a une volonté manifeste d'exprimer le béton qui pèse. Alors, peut-être une chose à préciser, c'est que ce bâtiment-là est dimensionné en fonction du modulor. Oui, le modulor, ce système harmonique mis au point par Le Corbusier, enfin mis au point, élaboré par Le Corbusier, à partir de l'observation du corps humain et avec un homme parfait, hein, l'homme parfait, 1m83, voilà. Oh, ben c'est moi. Oui, ben, c'est pas moi. À ce niveau-là, en tout cas, croisé avec le nombre d'or et, bon, je suis pas un spécialiste de Le Corbusier, mais il a mis au point une suite de chiffres, 43, 113, 183, 226, 296, etc. Je lis mon papier, là, hein, je ne la connais pas par cœur. Certains architectes la connaissent par cœur. Et Wacquini, qui était adepte du modulor, a utilisé cette harmonique dans toutes ses dimensions. Alors, un bâtiment introverti, hermétique, mais qui offre tout de même de très beaux espaces, avec beaucoup de lumière, avec... Oui, paradoxalement, il y a un véritable travail sur la lumière. Hein. Il faut rentrer malgré son côté fermé. Voilà, la lumière. En apparence. On est en apparence parce que il faut remarquer quand même que les façades latérales sont très vitrées. Oui, oui. Alors, pas directement visibles ces vitrages, mais c'est des façades pratiquement 100% vitrées. Et puis de l'intérieur, il y a tout un travail sur l'intériorité, les patios qui ramènent de la lumière. Donc, il faut que les gens qui n'ont jamais poussé la porte aillent voir ce travail. Lumière plus couleur, là vraiment il y a un travail de la couleur très simple, hein, des grands monochromes sur le sol qui permettent d'avoir une véritable boîte à lumière, quelque chose d'assez spectaculaire. En 1994, donc, on inaugure, c'est le premier bâtiment du nouveau quartier de Rive-de-Meurthe. Voilà, Rive-de-Meurthe, Meurthe et Canal, on ne sait pas trop comment ça s'appelle, mais ce grand quartier, donc la reconquête de la ville sur la ville, comme on dit aussi, un peu pompeusement, mais donc tout ce quartier qui était avant une zone industrielle, ancienne, hein, datant du 19e siècle, donc a été reconquise, friche industrielle rasée, et puis tout un nouveau projet. Et ce bâtiment est le premier bâtiment, alors c'est la première pierre, c'est comme ça qu'on en parle aussi, et c'est aussi peut-être pour ça que c'est si massif, comme si on avait posé là un bloc. C'est marrant, quand on voit les photos de la construction de l'école d'architecture, il y avait un pont qui partait depuis la rue Bastien-Lepage pour passer au-dessus du canal. Ah, le fameux autopont que tous les vieux Nancéens connaissent et appréciaient qui a disparu depuis. Pour ses qualités, enfin, on n'avait pas besoin d'aller à la foire pour se faire des petites... il suffisait de passer l'autopont un peu vite. Donc on avait là un autopont, il y en avait un aussi, boulevard Lobo. Donc on faisait passer les voitures juste au niveau de R+1, au premier étage des maisons. Un peu comme on l'a avec la Web, enfin... C'est ça, bah, c'est de l'humain époque. Les autoponts de Nancy, ils ont pu être démontés facilement parce qu'ils étaient en métal. La Web, c'est un peu plus compliqué. Mais oui, il y avait sept autoponts, une grande friche, et puis est arrivé ce bâtiment. Alors ce bâtiment qui est issu d'un concours international spécialement ouvert aux architectes suisses. Comme par hasard. Concours européen. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on avait envie que ce soit un architecte suisse ? Disons qu'il y avait de fortes, et il y en a toujours, mais peut-être un peu moins, mais à cette époque-là, de fortes relations entre le corps professoral de Nancy et puis toute une école suisse. Le Tessin. Le Tessin, mais pas uniquement, hein, aussi des Balois. Et bon, il y a eu un concours en plusieurs phases, et à la dernière phase, se sont retrouvés plusieurs Suisses, les uns contre les autres, avec quelques Français. Bon, voilà. Alors tout ce quartier-là, c'était une ancienne friche industrielle. Est-ce qu'on peut dire que l'école d'architecture en exprime finalement une certaine massivité, dans une certaine massivité ? Ah ben, moi j'ai croisé Wacquini, entre autres, pour une visite de l'école d'archi tout au début, à l'inauguration. Donc j'ai pas échangé avec lui. Ce que je sais de ce qu'il a dit, c'est ce que j'ai lu dans les livres ou ce qu'on m'a raconté. Et ce qu'on peut voir dans certains ouvrages, c'est effectivement une relation entre cette massivité et puis le passé industriel du site. peut-être comme ça une j'ai lu là que l'école d'architecture c'était un silo plus une chartreuse, enfin voilà, c'est mais on peut dire Vacchini c'est un architecte moderne, c'est il est dans l'écriture architecturale corbusienne, on peut dire, si on veut faire des résumés un peu abrupts, et les modernes, ils étaient très intéressés par l'architecture industrielle. La massivité, justement, des silos. Le Corbusier a fait des photos célèbres des silos d'Amérique du Nord. Alors, quelque chose qui frappe aussi extérieurement à l'école d'architecture, c'est ces cils qui ornent les façades latérales et puis qui se prolongent jusqu'au canal. On peut se poser un peu la question, d'ailleurs, à quoi ils peuvent servir ces cils au niveau du parvis. Ce oui. serait une invention de Vacchini ? Une invention, oui. C'est en tout cas un dispositif inédit et unique et tout à fait pertinent à cet endroit-là. Parce que les premières années ont tendance à reproduire assez massivement. Ah bah c'est une figure, ouais. C'est sûr que c'est tentant. Enfin, c'est tellement fort et tellement puissant. Donc on appelle ça les cils, hein, ces grands éléments de béton qui font 24 tonnes a priori chacun, hein, évidemment chacun. Alors d'un côté ils font brise-soleil, hein, du côté où il y a du soleil. C'est-à-dire au sud, et puis au nord, alors tout le monde rigole, au nord il n'y a pas de soleil, il a mis les mêmes choses. Certes, il a mis la même chose, mais pas pour la même raison. Au nord, on a cette succession d'éléments, donc les fameux cils, qui sont devant la façade et qui se prolongent jusqu'au canal, et qui font ce qui était exigé par la ville de Nancy, une continuité sur la rue Bazin. C'est une façon aussi de protéger l'intimité des logements en face ? Oui, c'était sûrement une façon de donner un véritable vis-à-vis, de faire une véritable rue, et c'est aussi une façon d'intimiser, c'est pas le mot, mais de clore sans clore ce parvis qui est devant l'école. Et alors vraiment le passage entre les cils de la rue au parvis, bon, c'est une expérience qu'on connaît bien tous les deux, et pareil qu'il faut recommander à tous les auditeurs, parce qu'on a vraiment la sensation de passage d'un lieu à un autre, ouais. Alors qu'il y a une grande fluidité, c'est vraiment très très réussi. On reparlera de l'architecte qui est l'auteur de tous ses exploits dans quelques instants, juste après la pause musicale. À tout de suite. Je t'ai haï, je t'ai laissé aimer d'autres que moi, un peu plus loin qu'ici. Mon ange, je t'ai trahi tant de nuits habitées que mon cœur a cessé de me donner la vie. Si loin de moi, si loin de moi, si loin de moi. Des armées insolites et des ombres équivoques, des fils dont on se moque et des femmes que l'on quitte, des tristesses surannées, des malheurs qu'on oublie. Des ongles un peu noircis, des ongles un peu noircis. Mon ange, t'ai puni, attends me sacrifier, icône idolâtrée, immondice à la nuit. Mon ange, t'ai haï, je t'ai laissé tuer nos jeunesses débauchées, le reste de nos vies. Si loin de moi, si loin de moi. Si loin de moi, des armées insolites et des ombres équivoques, des fils dont on se moque et des femmes que l'on quitte, des tristes. tristesse surannée, des malheurs qu'on oublie, des ongles un peu noircis, des ongles un peu noircis. Mon ange était haï. De retour dans Archiphonique avec Nicolas de Pouteau qui nous parlait juste avant la pause du bâtiment de l'école d'architecture de Nancy construit par Livio Vacchini, un architecte suisse. Alors, l'architecte était en association avec un architecte nancéen pour la construction de cette école. Voilà, Vacchini a gagné le concours. Et puis, au moment de rentrer dans les choses concrètes, on pourrait dire, en tout cas dans la construction, bon, entre les problèmes d'éloignement, de marché français par rapport à ce qu'ils connaissaient du marché suisse, etc., nécessité de trouver sur place quelqu'un pour s'associer. Et il s'est associé avec Christian François, qui était à ce moment-là enseignant à l'école, qui l'a été jusqu'à quelques mois, qui est connu à Nancy pour avoir fait un certain nombre de bâtiments intéressants, dont le Conseil Général. Hein, c'était pas un petit jeune sorti d'un paquet de Bonux. Qui est vraiment associé à l'histoire du chantier et à ce bâtiment très fortement. Alors Livio Vacchini, il est né à Locarno en 1933 et il est mort à Bâle récemment, en 2007. Oui, donc c'est un Suisse italien, c'est un Tessinois, hein, il parlait le français avec un accent italien comme un Italien, quoi. Mais alors, il était Suisse. Je lis ses références, on le dit connaisseur éclairé de l'œuvre de Louis Kahn. Ça se retrouve assez fort finalement dans ce bâtiment. Oui, Louis Kahn, qui est une des figures de l'architecture contemporaine, de l'architecture moderne, qui travaillait sur la lumière et l'espace avec une architecture assez simple comme ça, des grands éléments, toujours très aussi une forme de massivité. Et un travail sur la lumière toujours assez assez fort et assez puissant, très parlant, quoi. Très marqué. Il était diplômé à Zurich. Oui, parce que à l'époque en Suisse on était diplômé de Zurich ou de Lausanne. Maintenant on peut l'être à Mendrisio. Voilà. Alors une œuvre marquée, on le dit. L'œuvre de l'architecte, une œuvre complète, marquée par une forte dimension constructive. C'est parce que je lisais la Suisse et la. C'est pas grave. Et une science des mesures. Oui, c'est. Du coup, on n'a pas compris ce que j'ai dit, je vais peut-être le répéter, non? La forte dimension constructive et la science des mesures. Voilà. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Vraiment des proportions, alors grâce ou avec le modulor ou par le modulor, et puis toute la mise en place de rythme, encore une fois, le rythme que tout le monde connaît des fameux cils sur la rue Bazin. Quand on rentre dans le bâtiment, on voit aussi tout ce rythme entre les poteaux, les poutres, tout est rythmé là-dedans et tout est savamment mesuré, ce qui se ressent fortement. Alors oui, parce qu'on a parlé beaucoup de la fonction de l'école d'architecture, et puis on parle aussi de rythme, de lumière. Finalement, on se concentre aussi sur la valeur fonctionnelle, mais il ne faut pas oublier non plus la valeur sensible d'un bâtiment. Tout à fait, sensible et symbolique. Pour Vacchini, c'était en particulier essentiel, comme pour beaucoup d'architectes, mais lui, le déclarait fortement et était voulait qu'on regarde ces bâtiments à partir de ces qualificatifs-là. Alors c'est un architecte qui se frotte à la question théorique. Oui, il a écrit pas mal. Il y a beaucoup d'architectes qui écrivent moins, ou en tout cas qui se sentent moins prêts ou moins armés pour écrire de façon théorique. Et il a fait un petit livre qu'on peut que recommander, qui s'appelle Capo Lavori, chef-d'œuvre au pluriel. Petit livre sur les chefs-d'œuvre de l'architecture, qui est lui, en soi un petit chef-d'œuvre. Alors, dans cette école d'architecture, avant de nous quitter, il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est le 1% artistique, le fameux 1% artistique des bâtiments publics. Ouais. Alors, en quoi il s'exprime ce... Parce qu'il y en a qui pourraient ne pas le voir, ce 1% artistique. Notamment ceux qui ne vont pas dans les étages. Voilà, on le voit, hein, puisque c'est une œuvre de Felice Varini. Felice Varini, un artiste italien contemporain, hein, il est toujours vivant. Ça doit être un vieux monsieur, mais il est toujours vivant. Il a fait une œuvre urbaine à Metz au moment de l'inauguration de Pompidou. C'est quelqu'un qui travaille sur l'anamorphose. Il a une œuvre d'ailleurs au Musée des Beaux-Arts, hein, tout simplement, qu'il faut aller voir. Donc il met en place tout un de la couleur dans l'espace. Et puis quand on se met à un endroit bien précis, tout d'un coup, on comprend. On avait vu des taches un peu partout. Et tout d'un coup, on comprend que toutes ces taches constituent une figure. Alors, à Nancy, c'est une sorte de quadrilatère un peu difforme comme ça et qui... À l'école d'archi, oui, c'est quand on est au bon endroit, il faut monter au deuxième étage et se mettre pile au bon endroit. On voit se mettre en place une sorte de figure géométrique. Au Musée des Beaux-Arts, c'est aussi une figure géométrique un peu assez différente. Il faut voir les deux. Alors, j'ai vu que quelque part que ce bâtiment de l'école d'architecture avait été construit sur un autre bâtiment emblématique. À la place. Oui. Alors le bâtiment dans lequel était l'école d'architecture avant, hein, au parc de Rémicourt, c'était aussi un bâtiment emblématique construit par des architectes Binou et Foliasson, surtout avec un système constructif de Prouvé et Petrov. Mmh. Alors moi je les connais un peu cette école parce que j'y étais pour 2-3 conférences, mais j'ai pas fait mes études là-bas. Donc j'en parlerai pas plus que ça, mais ce qu'on en entend, on raconte que cette école, donc c'était un principe modulaire et un truc un peu ouvert, il y avait un côté un peu baba cool, on pouvait arriver en voiture jusque dans l'amphi, ah oui. Et certains l'ont fait a priori. Là il faudra interroger des gens, Camille qui n'est pas là tout de suite pourrait en parler. Donc c'était quitter cette école, ça a été dur pour quoique je crois qu'il y avait des petits problèmes phoniques là-dedans, et thermiques, mais il quittait une école singulière. Quoi. Et puis on peut peut-être, avant de se quitter, donner 2 citations de Livio Vacchini. Oui, que j'ai tiré d'ailleurs de ce petit bouquin qui s'appelle « L'école d'architecture de Nancy » aux éditions Jean-Michel Place, c'est moins de 10 euros, ça se trouve dans toutes les bonnes librairies nancéennes. Voilà, Vacchini qui dit « Faire un projet, c'est construire une pensée ». Bien. Et deuxième citation, j'aime réduire l'irrationnel au minimum et porter le rationnel jusqu'aux limites extrêmes. Voilà, je crois que tout est dit. C'était une manière parfaite de clore ce rendez-vous avec A, qui portait, je vous le rappelle, sur l'école d'architecture de Nancy. Merci Nicolas de Puteaux d'avoir été avec nous. Eh ben merci. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle chronique, une petite idée peut-être de ce dont on parlera. Oui, j'aimerais bien parler du Paris des Expositions. Le Parc des Expositions de Nancy, voilà, donc le rendez-vous est donné au mois prochain. La semaine prochaine, en direct, le mercredi 29 avril, dans votre émission Archiphonique, nous reviendrons pour une nouvelle émission en compagnie de Camille, qui émergera de son travail d'ici là, on l'espère pour lui. On vous invitera à de nouvelles découvertes, il vous invitera à de nouvelles découvertes, mais comme il n'est pas là ce soir, Nicolas et moi ne pourrons que vous encourager à aller jeter un coup d'œil à l'école d'architecture de Nancy, de près ou de loin, et d'y porter un nouveau regard, avec pour le coup, du recul. Votre émission du jour sera disponible en podcast dans quelques minutes sur le site de la radio, www.fadjet.net, rubrique tous les podcasts. Vous pouvez soit la réécouter, soit la télécharger, c'est comme vous voulez. Dans la prochaine demi-heure, c'est la suite des programmes sur Fadjet. On se quitte avec une musique. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bonne soirée à tous, salut. Smile like a flame. She will.